Et après, Allah, il démontre celui qui n'a pas pris cela en considération, c'est-à-dire pour se mettre à adorer Allah seul, alors lui n'a pas compris. Il y a d'accord là, « Qalilan ma tazakkaroun » Tout ce qu'il aura vu, tout ce qu'il aura vécu, tout ce dont il a été témoin, ne lui servira à rien. C'est pour cela que dans le Coran, quand Allah dit du kuffar, لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها, qu'ils ont des cœurs par lesquels ils ne raisonnent pas, des yeux par lesquels ils ne voient pas, des oreilles par lesquelles ils n'entendent pas, ainsi de suite. Et dans le verset, Allah affirme qu'ils ont cela. Donc le lien entre les versets, c'est pour dire qu'ils ont des oreilles, ils entendent, mais ce qu'ils entendent n'en profitent pas, en fait. Ils ont des yeux, ils voient, mais ce qu'ils voient ne leur profite pas. Ils voient comme tout le monde, et cette vision, c'est une vision qui est en surface, en fait. S'ils la comprennent réellement, ils ne comprennent pas. Donc tout cela n'aura servi à rien. Et tout cela sera contre Yom al-Qiyamah. Leurs yeux témoigneront de ce qu'ils ont regardé. Leurs mains témoigneront de ce qu'ils ont saisi. Leurs jambes témoigneront de là où ils se sont rendus. Leur langue témoigneront de ce qu'ils auront prononcé, ainsi de suite. Tout cela sera contre eux. Aujourd'hui, ils bâtissent leur vie là-dessus. L'autre, c'est soi-disant un scientifique, qui invente des appareils et qui fait là les inventions, les découvertes. Tout cela sera contre lui. Car on dira, à quoi ça t'a servi tout cela? À rien. T'adoreras Allah au final? Là. L'autre, Allah lui a donné une force physique incroyable, très fort. Cette force, dans quoi il l'a mise? Dans le sport, ou dans le haram, ou dans le zulm, en faisant du mal aux gens. Cette force, le Yom al-Qiyamah, elle sera contre lui. Un tel, Allah Azza wa Jal, lui a donné de l'argent. Il est devenu richissime. Cet argent, dans quoi il aura dépensé? Que dans le haram. Cet argent sera contre lui au Merkiyama. En plus, il ne leur a pas donné la zakat. Un tel, Allah lui a donné une belle voix. Cette belle voix aurait pu être, faire de lui un imam, qu'il ait le Coran ou autre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un chanteur. D'accord? C'était un chanteur. Un tel, il avait telle et telle particularité qu'il aurait fait du khayl en islam. Il a fait du char avec dans le kufr. Donc tout cela sera contre lui au Merkiyama. Tout cela sont contre eux au Qiyamah. Ils n'auront que le regret. Ce qui est leur fierté aujourd'hui sera leur honte et leur avilissement au Qiyamah. Et ceux qui les envient aujourd'hui, d'accord, quand ce fut le cas des gens avec Karun, qui ont envié sa richesse, lorsqu'ils ont vu ce qui lui arrivait, c'est là qu'ils ont regretté. Et qu'ils ont écouté, vu que les ulama les avaient conseillés réellement. Pour dire ce que Karun dit là, ça ne sert à rien. Regardez ce qui lui arrivait. Il est englouti, lui, toutes ses richesses. Vous vouliez être comme lui. Regardez comment vous auriez fini. Ils ont dit, Alhamdulillah. Eh bien, les gens, malgré cela, ne comprennent pas. Ils entendent un tel, Mathalane, il est riche, il a une belle voiture. Qu'est-ce qui s'est passé, sa voiture, si tu es avec? Ça ne fait pas réfléchir. Tu vois? Hein? Ouais, ouais. Mais avec sa richesse, il sait. Il a acheté ça à son propre, comment dire, son cobre. Un tel, il était impressionné, c'était un, je sais pas moi, un cascadeur, je ne sais quoi. Il a fait une cascade, il s'est tué. Afalan. Un tel, c'était quelqu'un qui plaisait aux femmes énormément. Il a fait zina et le sida, il est mort. Tu ne réfléchis pas. Ou alors, à cause d'histoires de femmes qu'il a eues, il a eu des problèmes avec les maris des femmes ou quoi, il s'est fait tuer. Ou autre, ou il se trouve dans des situations, des procès pour plainte. Le tournement de mineurs, selon les koufars, bien sûr. Ou kaza et kaza et kaza. Ça ne fait pas réfléchir. Et tu l'envies toujours. Il n'y a rien à envier à ces gens-là. Allah, il n'y a rien à envier à ces gens-là.